the crates. I feel like the crates produce everything. Tu veux le bon, le bon compo. Je te le sens, c'est un vendeur trop. Gros pute piquant, Air Valentino. Pour les têtes cramées, la moula dans le pot. Ils veulent pas ton caillard, c'est nous colle au cul. Je frotte la folle, elle est un peu bu. Je traîne avec eux, j'ai la queue, tu te mêles. Sans ton cul, et mets-toi de ton cul. Frotte ses cuisses, ça m'a vu Gandeo. Lolita de la Licanteo. On te sort ça, tu vas plus chanter. C'est devenu la mode de sa mec dans le néo. Y'a des potes qui sont là pour les vols. T'as dit quoi? Nique ta madone. Nique ta madone. J'ai des potes qui ont niqué la matone. J'arrive plus à dormir, trop d'insomnie. Trop de bandeurs au quartier, je fais un petit tri. J'assume ce que je dis égal à ma vie. Fais pas le voyou, ennemi. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. J'arrive plus à dormir, trop d'insomnie. Trop de bandeurs en quartier, je fais un petit tri. J'assume ce que je dis égal à ma vie. Fais pas le voyou, ennemi. Fume le shit, t'allume le pétou. 6-3 litres et les cartes tout. Gros bandeur, pourquoi t'es jaloux? On prend tout, on arrête tout, tout. Je m'en mêle à chaque texte. Pourquoi tu te vexes? Je pourrais casser ta femme, je pourrais casser ton ex. On gère ta sœur en cachette. La main sur son bout, la main sur la gâchette. Au clé dans le sirocco, sur des bichets, j'ai pas un euro. Dans la zone que des Pinocchio, ça m'écoute, je vois Mexico. Y'a Chihuahua, l'ami, c'est le Chilili. Spin 3 MP des Gili. Ramène son équipe pour la Kilili. J'arrive plus à dormir, trop d'insomnie. Trop de bandeurs au quartier, je fais un petit tri. J'assume ce que je dis égal à ma vie. Fais pas le voyou, ennemi. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. J'arrive plus à dormir, trop d'insomnie. Trop de bandeurs au quartier, je fais un petit tri. J'assume ce que je dis égal à ma vie. Fais pas le voyou, ennemi. Chouf, père de ta noche, petit casque roux. Chouf, chouf, fais la belle sur Snap, reste pas la fou. J'mets le thème sur la Vicky, survêt de la jupe, couleur vert kaki. Rends dans la boîte et les couleurs bleues. Le videur, il veut qu'on le quitte. J'arrive plus à dormir, trop d'insomnie. Trop de bandeurs au quartier, je fais un petit tri. J'assume ce que je dis égal à ma vie. Fais pas le voyou, ennemi. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. Si je t'aime pas, c'est que tu me prends trop la boca. J'arrive plus à dormir, trop d'insomnie. Trop de bandeurs au quartier, je fais un petit tri. J'assume ce que je dis égal à ma vie. Fais pas le voyou, ennemi.